بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le mont Sinaï, par un livre en ligne, sur un parchemin étalé, par la maison peuplée, par la voûte élevée, par la mer débordante, le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement, et nul ne pourra le repousser. Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement et où les montagnes se mettront en marche. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Ce jour-là, malheur à ceux qui démentent et qui parlent de choses graves avec légèreté. Ils seront poussés avec mépris dans le feu de l'enfer. Voici le feu que vous traitiez de mensonge. Est-ce de la magie ou est-ce vous qui ne voyez pas clair? Subissez-en la brûlure ardente, et que vous supportiez ou non ce tourment, cela revient au même pour vous. Vous n'êtes rétribué qu'en fonction de ce que vous faisiez. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Quant aux vertueux, ils seront dans des jardins de délices, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné et du fait que leur Seigneur aura écarté d'eux le tourment du feu de l'enfer. Mangez et buvez en toute sérénité, en récompense de vos œuvres. Ils seront accoudés sur des trônes alignés, et nous les marierons à des houris, aux yeux grands et magnifiques. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. Et des croyants qui auront été suivis dans la foi par leurs descendants seront rejoints par eux en ce lieu. Nous ne diminuerons rien le mérite de leurs œuvres, car chacun sera responsable de ce qu'il aura acquis. Nous les pourvoirons abondamment, et tant qu'ils le désireront, en fruits et en viande. Ils se passeront entre eux une coupe dont le breuvage n'inspirera pas de vains propos et n'incitera pas au péché. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإن معكم من المتربصين. Et parmi eux circuleront de jeunes garçons comme des perles bien cachées. Ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant entre eux. Ils diront : Nous vivions parmi les nôtres dans la crainte constante de Dieu. Dieu a été bon envers nous et nous a protégés du souffle brûlant de l'enfer. Dans le passé, nous avions l'habitude d'un invoquer, c'est lui certes le bienveillant, le miséricordieux. Rappelle donc, car par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. Ou bien ils disent, c'est un poète, attendons que la mort vienne le surprendre. Dis-leur, eh bien attendez, j'attendrai aussi de mon côté. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Est-ce leur raison qui leur ordonne cela, ou serait-ce qu'ils transgressent toute limite? Ou bien, disent-ils, il l'a lui-même inventé? Non, en réalité, ils ne croient pas. Eh bien, qu'ils produisent donc un récit pareil à celui-ci, s'ils sont véridiques. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ Ou ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction? Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux les maîtres souverains? Ou ont-ils une échelle d'où ils écoutent, que celui des leurs qui reste à l'écoute apporte une preuve évidente? Ou Dieu n'aurait-il que des filles, tandis que vous avez des fils? Ou leur demandes-tu un salaire, ô Mohammed, de sorte qu'ils soient accablés de dettes? Ou détiennent-ils l'inconnu au point qu'ils puissent les mettre par écrit? Ou cherchent-ils à piéger le messager? Mais ce sont plutôt ceux qui ne croient pas qui sont pris au piège. أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ Ou ont-ils quelque autre divinité à part Dieu? Gloire à Dieu! Il est bien au-dessus de ce qu'ils lui associent. Et s'ils voyaient tomber un fragment du ciel, ils diraient « Ce sont des nuages amoncelés ». Laisse-les donc jusqu'à ce que vienne le jour où ils seront foudroyés. Ce jour-là, leur ruse ne leur servira à rien, ils ne seront point secourus. En vérité, les injustes subiront un autre châtiment auparavant ce monde, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Alors attends patiemment le décret de ton Seigneur, car en vérité, tu es sous notre garde. Et célèbre les louanges de ton Seigneur quand tu te lèves, et glorifie-le durant une partie de la nuit et au déclin des étoiles.